Benjamin qui vient nous parler de comment se réapproprier notre science. Rendez-nous la science. Voilà, simplement, je ne sais pas si... Alors, rendons-nous la science. Rendons-nous la science. Ok. Voilà, donc il va parler pendant 5 à 20 minutes et ensuite on fera un débat. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des interventions à proposer, nous on accepte tout le monde, donc on vous note sur le cahier et vous venez parler de ce que vous voulez pendant un petit créneau d'une heure. Et je rappelle pour ceux que ça intéresse que donc ce week-end on a deux journées thématiques. Une journée thématique TAFTA, CETA le samedi à partir de midi et une journée thématique sur les violences faites aux femmes dimanche à partir de 14h. Toute la journée et à 18h, on aura notre réunion auquel tout le monde peut participer. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous asseoir. Et je passe la parole à Benjamin. Ouais, c'est bon. Je vous conseille de prendre le petit papier, là il y a des illustrations. Je vais pas faire un cours de science, hein, c'est juste pour... c'est mieux je pense. Mieux. J'attends. Non, je plaisante. Donc, je vais commencer. Donc, ma prise de parole s'intitule « Rendons-nous la science ». Donc, je pense que le titre est assez explicite. Maintenant, je vais rentrer dans le détail. Donc, je vais commencer par une certaine définition de la science. Mon but, c'est pas de réécrire un dictionnaire. Hein, c'est juste qu'on puisse parler de quelque chose ensuite dans le débat. C'est un parti pris. Hein, c'est pas la vraie définition ou quoi que ce soit. Enfin, bref. Donc comme je l'ai dit, dans ma prise de parole, j'emploierai le mot science pour parler de manière indéterminée de la science, des mathématiques, de la logique ou des raisonnements en général. Donc voilà. Donc tout d'abord, pour thématiser la science, je me rattache à la définition, on va dire, naturaliste. Hein. Donc la science vient de la conscience ça vient du cerveau, le cerveau c'est dans la tête, tout ça. Et... ce que je veux dire à propos de ça, c'est surtout que l'intelligence, notamment l'intelligence humaine, a essentiellement pour fonction d'optimiser nos conditions de vie dans notre milieu, c'est-à-dire nous permettre de bien manger, de bien dormir, de protéger ceux qu'on aime, de faire toutes ces choses, de prévoir, d'anticiper, de soigner, et toutes ces choses-là, toutes ces choses qui viennent par l'analyse du monde qui nous entoure, son étude, et toutes ces choses-là. Donc c'est ça que j'appellerais la science de manière très générale. Sans rentrer dans telle ou telle science particulière. Voilà. Donc la science comme réponse à un besoin vital, besoin de connaître le monde qui nous entoure pour pouvoir agir de manière correctement. C'est le petit 1. Vous êtes en train de lire le petit 1. Hein ? Ensuite, je voudrais dire que ce besoin de connaître le monde, il est lié de manière assez générale à la plupart des... à la plupart des cultures humaines, c'est pas pour disqualifier des cultures hein, que je dis ça, mais disons que connaître le monde et connaître la condition humaine, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des cultures. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt universel, même si le terme est un petit peu trouble. Et ce que je voulais dire par rapport à ce besoin de connaître, c'est que très tôt, chez les enfants, ou même chez les adultes, on voit que la plupart de nos peurs, je dis bien la plupart, hein, la plupart de nos peurs sont associées à l'inconnu, à ce qu'on ignore, notamment la peur de la mort, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans un grand débat philosophique, et que par ailleurs, on éprouve souvent une certaine joie lorsqu'on comprend un raisonnement, lorsqu'on comprend quelque chose en général, lorsqu'on découvre quelque chose et qu'on le comprend, on peut voir ça dans le comportement de curiosité des enfants. La plupart des enfants sont curieux, veulent savoir, ils éprouvent une vraie satisfaction à savoir et une vraie angoisse lorsqu'ils ne savent pas. Donc voilà, je veux pas. Quand je parlerai de science, je parlerai de ça en général. Voilà, ça c'est pour le début. Ensuite, je vais parler rapidement de la méthode scientifique. Enfin, de ma définition, c'est pas la mienne, mais enfin. Ce que je voulais dire, donc, c'est que la science, elle a gagné ce pouvoir parmi les siècles en mettant en place une méthode assez inédite, on va dire. Et cette méthode, elle commence presque toujours par l'observation de régularités dans la nature. Voilà. Je vais prendre un exemple. Donc, la science commence au moment de l'observation des régularités, puis à la construction, puis continue par la construction d'un système qui donne un sens à ces régularités, qui permet de les expliquer et de les prévoir. Enfin, une fois que ce système est construit, c'est les prévisions réussies qu'il permet qui valide le système. Donc s'il n'y a aucune prévision qui est réalisée à partir de la description, la plupart du temps la description est abandonnée. Ou bien au contraire, si le système permet de faire des prévisions réussies, alors le système est parfois modifié, amélioré, mais en général on garde l'explication des régularités. Je vais prendre un petit exemple très simple. Donc c'est un exemple de régularité observée. Je veux bien que vous regardiez, ça va m'aider, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste les chiffres de 1 à 9. Donc je vais vous parler de Galilée qui étudie la chute des corps. Voilà. Donc pour faire ça, c'est méthode ancestrale, hein. Donc il ne fait pas directement tomber des corps à la verticale, parce que vu les moyens qu'il a, c'est trop difficile d'analyser le mouvement comme ça, le mouvement est trop rapide. Donc il va ralentir le mouvement, donc il installe des boules sur des plans inclinés, des pentes, et ces pentes elles sont graduées comme une règle, ce qui lui permet de mesurer en quelque sorte les positions, de leur donner un nom, ça c'est la position 2, la position 3. Donc il place une boule en haut de la pente graduée, il la lâche et il regarde les positions prises par la boule. Et comment est-ce qu'il fait? Vous avez une liste temps 0, 1, 2, 3. Vous pourriez vous demander comment est-ce que Galilée fait, quel chronomètre est-ce qu'il possède? Et la réponse est assez risible, mais enfin, il compte dans sa tête. Hein. Donc c'est pas une blague. Hein. Donc il compte dans sa tête et il s'appuie là-dessus sur une tradition musicale qui dit que la plupart des musiciens savent faire ça. Ils savent découper une période temporelle en intervalles plus ou moins égaux et il sert de cette approximation-là pour faire ses expériences. Et voilà ce qu'il observe. Il observe la chose suivante. Donc il prend la boule, il la lâche en haut de du plan incliné et il compte dans sa tête. Il s'aperçoit que au temps zéro, la boule est à la position 0, c'est-à-dire tout en haut de la pente. Ensuite, il s'aperçoit qu'au premier temps, quand il compte 1, la boule passe sur la graduation 1. Quand il compte 2, la boule passe sur la graduation 4. Quand il compte 3, la boule passe sur la graduation 9. Quand il compte 4, sur la graduation 16. 5, 25, 6, 36. Et il s'aperçoit... Après la 9 ? Et avant la 11. Ok. Et du coup, il observe une régularité. Et cette première régularité, je ne sais pas si vous avez réussi à le voir, c'est que les positions de la boule sont toujours le carré du temps. C'est-à-dire que pour obtenir la position de la boule, on multiplie le temps par lui-même. Par exemple, 0 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2, ça fait 4. 3 fois 3, ça fait 9. 4 fois 4, ça fait 16. 5 fois 5, ça fait 25, etc., etc. Et il y a quelque chose de splendide qui se passe pour lui, c'est qu'il va avoir une sorte d'illumination et il va commencer à dire, il y a cette régularité. Les positions, elles sont directement en fonction du carré du temps. Voilà. Ça, c'est la première observation d'une régularité. Et il faudra attendre peut-être une petite centaine d'années pour que Newton donne un vrai sens scientifique à ça. Mais enfin, je pense que la science, elle commence à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler d'une observation de régularité. Et en plus, il y a les vitesses en dessous de la boule, et la boule accélère, et la vitesse, elle accélère de 2 en 2. 1, puis 3, puis 5, puis 7, puis 9, puis 11, puis 13. Donc voilà, il a observé une régularité, et je pense que ça l'a rendu assez joyeux. Donc voilà de quoi je parle quand je parle de la science. D'accord ? Je vais aborder... Excusez-moi, je regarde l'heure. C'est très bien. Tout va bien. Donc, je vais juste regarder dans le même ordre d'idée. Je vais juste vous présenter une merveille du raisonnement humain avant qu'on puisse passer à ce qui fait problème dans la science. Donc, une merveille du raisonnement humain, c'est le schéma que vous avez en dessous, là, numéro 2. C'est la mesure de la circonférence de la Terre par Ératosthène environ en 276 avant Jésus-Christ. Donc, le calcul fait par ce grec donne une mesure de la circonférence de la Terre qui possède 1% d'erreur seulement, c'est-à-dire il donne 40 000 km pour 39 000 et des poussières. Donc on peut dire qu'il a calculé la circonférence de la Terre. La manière qu'il a utilisée, elle est purement géométrique. Il a fait comme si la réalité était géométrique. Et les deux droites parallèles que vous voyez, c'est les rayons du soleil. J'espère que tout le monde les voit. Il ne faut pas plier la feuille, il faut la regarder. Les deux droites parallèles que vous voyez, c'est les rayons du soleil. Et en fait, Ératosthène a trouvé un endroit sur Terre C'est la nouvelle. C'est, ça s'appelle Aswan et ça. Je pense que c'est en Syrie du coup. Et il a trouvé un endroit à Sienne où les rayons du soleil frappent à midi, frappent directement dans le fond du puits. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ombre dans le fond du puits. Et Eratosthène se dit, tiens, cet endroit de la planète est très particulier puisque à cet endroit de la Terre, les rayons du soleil sont parfaitement verticaux. Voilà. Donc il se dit, je vais pouvoir utiliser cet endroit pour calculer la circonférence de la Terre. Comment ? Il prend une autre ville qui est marquée Bâton à Alexandrie, là. Tout le monde voit ça, oui. Il prend une autre ville et il plante un bâton dans cette ville. Pareil, à midi, dans les mêmes conditions, au même moment de l'année. Et il mesure l'ombre du bâton. Je vous épargne les détails, mais il y a un théorème de géométrie qui dit que, étant donné que les deux droites sont parallèles, les deux angles que je vous ai grisés, vous voyez, s'appellent des angles alternes internes, ils sont égaux. On va pas rentrer dans la démonstration, mais enfin, il se base sur ça pour pouvoir dire la chose suivante. Puisque ces deux angles sont égaux, en fait, il sait que la portion de terre qu'il y a entre le puits et le bâton à Alexandrie, le morceau de pourtour, là, la partie de la terre qui est comprise entre le puits et le bâton à Alexandrie, elle correspond à 7,2 degrés. Ensuite, il se pose la question simple, combien de fois il y a 7,2 dans 360? La réponse, c'est 50 fois. Ensuite, il se dit, puisque 7,2 degrés est 50 fois dans 360, alors la distance entre le puits à Sienne et le bâton à Alexandrie, si je prends cette distance et que je la multiplie par 50, j'ai la circonférence de la Terre. Et je vous dis, il a obtenu un résultat avec moins d'1% d'erreur. Donc c'est vraiment merveille du raisonnement humain. Voilà, j'espère que ça vous touche. Donc je continue très rapidement, je vais accélérer un peu, hein. Il y a une légende qui dit que lorsque Gauss, un mathématicien, était âgé de 7 ans, son prof ou son précepteur ou lui et à ses camarades leur a donné une punition. Il était fâché, il leur a dit « Bon, vous faites trop de bruit, maintenant vous allez calculer la somme de tous les entiers de 1 jusqu'à 100. » Il pensait être tranquille pendant quelques minutes. En fait, au bout de 3 secondes, Gauss a levé la main et a dit « Moi, c'est bon, j'ai trouvé. » Le maître était plutôt énervé. Et vous avez le dessin, voilà comment Gauss a trouvé, vous avez l'exemple avec de 1 à 14. Pour calculer la somme de tous les entiers de 1 à 14, il les a mis en vertical et il s'est aperçu que 1 plus 14, ça faisait 15, 2 plus 13, ça faisait 15, 3 plus 12, ça faisait 15, etc., etc. Et donc il s'est aperçu qu'il avait 14 fois le nombre 15. En faisant ça, il aurait eu deux fois la somme qu'on lui demandait puisqu'il y a deux fois les sommes qui sont représentées. Il lui suffisait ainsi de diviser le résultat par deux. Voilà. Merveille du raisonnement humain, s'il en est, encore une fois. Oui ? Ok. Ensuite, derrière, je vais passer rapidement là-dessus, hein. Vous avez une preuve sans mots du théorème de Pythagore. Je vous laisse déguster ça chez vous. Essayez de comprendre en quoi ça démontre Pythagore. Le triangle rectangle, c'est le même, celui qui est grisé, là. C'est quatre fois le même triangle rectangle. Je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Il y a la preuve là-dedans, sans mots. Et je vous laisse le plaisir de chercher un peu parce que c'est un plaisir. Maintenant que j'ai défini la science et que vous voyez à quoi je fais référence quand je parle des merveilles de l'esprit humain, je vais évidemment vous parler de la, enfin aborder ma quatrième partie qui est le développement technique est à l'origine des pires barbaries. Et je pense que quand on dit des pires barbaries, on n'exagère pas du tout la chose. Alors voilà, je fais dans l'ordre, hein. Le principe du levier, donc chez Archimède, ça produit les catapultes, les balistes, toutes les machines de guerre extrêmement destructrices. Alfred Nobel, le prix Nobel, grosse dédicace à lui, inventeur de la TNT, donc un homme de paix. Ensuite, les progrès de la thermodynamique, donc c'est tout ce qui est lié à l'étude de la chaleur dans les corps, comment les corps supportent la chaleur. Le progrès de la thermodynamique mène donc à la machine à vapeur, à la révolution industrielle et ça ne libère pas l'homme, ça lui impose un rythme de travail dégradant et dangereux, désolé de lire, hein, avec des tâches répétitives et sans intérêt pour l'intelligence de l'ouvrier. Je continue, donc la chimie produit les bombes, la physique fondamentale a produit la bombe atomique et l'être humain possède désormais détruire plusieurs fois, je crois une centaine de fois, la Terre et presque toute la vie sur Terre, à part trois bactéries, que personne n'aime les bactéries. Bon, je plaisante. Ok. Ensuite, l'informatique produit des moyens de contrôle et de surveillance des peuples et des individus. Enfin, la biochimie produit Monsanto, des produits de l'agroalimentaire dégueulasse, avec plein de produits chimiques à l'intérieur qui n'a pour seul but de faire ça n'a pour seul but que de les enrichir, et ça a pour conséquence de nous rendre malades, nous et notre environnement. Voilà. Donc, ayant posé que d'un côté, on a des merveilles du raisonnement humain, et que de l'autre côté, le développement technique est à l'origine des pires barbaries de la culture humaine, ça m'amène à quelque chose que je qualifie de paradoxal, mais enfin, peut-être que le mot est un peu fort, d'où ces paradoxes, et c'est la question que je pose, en fait, pour ouvrir le débat. C'est une vraie question, hein. Elle mérite d'être détaillée, c'est pas une question rhétorique. D'où cette question, comment ce qui constitue un fondement essentiel de notre humanité peut nous être confisqué par l'armée, les groupes industriels et les laboratoires privés. Sachant que la science, par définition, c'est gratuit. Raisonner, c'est quasiment gratuit. Aujourd'hui, on peut vraiment raisonner gratuitement. Et pourtant, que de plus, toutes les abominations que je viens de vous citer, il n'y en a aucune qui a été le fruit d'un questionnement démocratique. Il n'y a pas eu « Bonjour, voulez-vous qu'on construise une bombe atomique pour la lancer sur les Japonais et détruire tout le Japon ?»« Bonjour, est-ce que vous voulez qu'on mette des produits dégoûtants dans votre assiette pour gagner plus d'argent ?»« Bonjour, est-ce que vous avez envie de travailler 5 fois plus par jour grâce à la machine à vapeur ?» etc. Donc, ce développement technique n'est pas lié à un souhait populaire, ne va pas dans le sens de la culture et n'est pas représentatif des aspirations des peuples. Voilà. D'où ma question, hein, comment se fait-il qu'il n'y ait presque aucune consultation démocratique sur les sciences et sur leur place dans la société? Et mon enjeu, enfin l'enjeu, ce que j'aimerais porter et peut-être vous motiver à faire, c'est quelque chose, c'est au quotidien, hein, ça a l'air de pas grand-chose, mais ça commence comme ça, je pense, par des actes individuels quotidiens. Mettre la science au service de la société, de la culture et du développement humain, et non des gros capitalistes, de la finance et toutes ces abominations et du découpage en morceaux des corps. Et voilà, j'en ai terminé là. Simplement, j'aimerais faire une toute petite présentation de la bibliographie, juste si, parce que se taper une bibliographie comme ça, ça donne juste envie de jeter le papier. Si je peux juste présenter très rapidement les différents ouvrages pour vous donner envie d'aller voir, enfin vous donner envie, surtout vous dire ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, Mon cabinet de curiosité mathématique de Ian Stewart, c'est vraiment amusant. Il y a plein de petites questions, c'est des vraies mathématiques. Ne pensez pas que je vous fais rentrer par la petite porte, c'est des vraies mathématiques. Sauf que les mathématiques, c'est amusant. Et ça, on l'a oublié parce que les profs de maths sont merdiques. Allez, on peut le dire, on est à nuit debout. Ensuite, Annal du concours Kangourou. Donc c'est un concours de maths, c'est très amusant. Ne vous dites pas, c'est pour le collège, c'est trop facile ou bien c'est trop dur. Allez voir. Et amusez-vous à résoudre les problèmes. Je vous garantis, c'est vraiment addictif. J'emploie ce terme dans un sens un petit peu flottant, mais enfin, c'est vraiment amusant. Ça peut se faire en groupe, vous pouvez en parler. Enfin, essayez au moins, je vous dis pas que voilà. Ensuite, bon, Nicolas Fardin, 12 ans d'Olympiade mathématiques, c'est pareil, c'est de la préparation au concours. Enfin, pour s'intéresser aux sciences et aux mathématiques, Ian Stewart, les 17 équations qui ont changé le monde, allez lire ça. Pas en entier, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a Pythagore, Newton, l'équation de la finance, allez voir ça, intéressez-vous, c'est accessible. Je dis pas que ça va vous tomber dessus comme ça, mais avec un peu de réussite, sûr que vous comprendrez, j'en suis sûr et certain, c'est le principe. Et ensuite, attends s'il te plaît, et ensuite, Proof Without Words, c'est en anglais, donc on s'en fiche, allez voir, c'est des preuves mathématiques sans mots, c'est juste des dessins, c'est tiré de là le Pythagore, c'est que des preuves sans mots, vous regardez. Vous attendez 15 minutes et au bout d'un moment, l'illumination se fait. Ou pas. Mais ça peut... Vas-y, attends, je suis en train de parler. Non, mais on n'est pas deux, il y a tout le monde là. Ensuite, ah oui, ça vraiment pour cliquer. Attends, s'il te plaît, regarde, il y a tout le monde. Ensuite, pour cliquer, il y a la chaîne YouTube de Numberphile. C'est en anglais, mais bon, il y a des dessins. C'est des gars qui sont un peu tartés de mathématiques. Cliquez les vidéos, il y a des choses intrigantes, amusantes, vraiment. C'est pas prise de tête. Enfin, ça peut le devenir, mais c'est amusant. Et enfin, la conférence d'Étienne Klein, qui a très largement inspiré la prise de parole que je suis en train de faire. Ça s'appelle « Le négatif est-il le ferment du meilleur ?» Et c'est sur YouTube aussi. Regardez ça, c'est quelqu'un de très cultivé. Il peut être très énervant par ailleurs, hein, mais il est très cultivé. Et je pense qu'il peut éclairer beaucoup de sujets sur les sciences en général. Et je pense que c'est la fin de ma prise de parole. Merci. Merci. Je peux peux applaudir. Là, voilà. Oh non, ouais, vas-y doucement. Hein. Voilà, je vous remercie à vous. Une mode présentation de bien, d'être simple, de concret, fidèle, sincère, d'être bien, bien installé, c'est clair. Et il faut savoir, au niveau de la système, vous faites, si vous avez un ticket, on a un à foutre, on s'en fout le ticket, d'une manière, moi je m'en fous le ticket, j'en ai ras le bol, c'est pas grave, c'est pas la mer à boire. Franchement, une manière, c'est pas la mer à boire, c'est la Seine. La Seine, il faut déjà y aller. Franchement, ça roule. Il faut le rouler. Non. Alors, le seul problème, c'est la personne avec qui, alors, je pourrais être vraiment de concret, fidèle, sincère, de sincère. Il faut savoir voter. On vote pour qui, pourquoi, et on fait quoi? Alors, c'est quelque chose, vraiment, Monsieur, vous n'êtes pas dans le débat, là. Le débat, c'est autour de la science. Moi, je défends au niveau de mon débat, hein. Là, on fait la parole. Pendant une heure, on parle de la science, là. C'est pour ça. C'est spécifique. Merci. Autour de la science. Merci. Juste une minute. Merci. Ah oui. Bendo. Attends, moi je prends la parole. Je prends la parole. Je sais, madame. Non, mais il était en train de parler. Ok, fini, après tu me passes la parole. Et le sujet, Je rappelle que le sujet. S'il vous plaît, je rappelle que le sujet, c'est sur la science et qu'on essaie d'échanger dans la bienveillance et de laisser chacun parler l'un après l'autre. Merci. Merci, excusez-moi, avec le pardon que je vous respecte. Ma parole. Le débat, c'est la science. Non, c'est rien. J'explique, moi. La science. Et alors, il n'y a pas besoin de science. Et j'explique ce que je vois. Alors. Bon, mais vite fait, alors. De défendre au niveau de son pays, de sa France. Il faut savoir, déjà. C'est clair. Et quelque chose, il y aura de concret. De concret, c'est quelque chose hyper dur. C'est bon, t'as parlé. À lui maintenant. À lui, vite fait, deux secondes, et après on continue le débat sur la science. Attends, lâche le micro. Moi, je voulais juste commencer par un truc. Et le truc que je voulais commencer, des mecs qui n'ont pas de conscience comme ce monsieur, qui viennent parler dans un micro en étant bourré, ça ne nous intéresse pas. Et moi, aucun rapport. Mais moi, je continue toujours pas. Ah oui. Bendo. Ah oui. Bendo. Madame, j'ai en train d'appeler les gens qui me savent. Parce que je commence toujours ma parole par ah oui, Bendo. Ça y est, maintenant, il y a d'autres. Il y a d'autres personnes qui parlent. Bendo. Il y a d'autres personnes qui vont parler. Tous ces gens qui m'écoutent et qui savent ma parole. Ah oui, Bendo qui se rapproche. Ah oui. Il y a d'autres personnes qui doivent parler, s'il te plaît. Bendo. Ah oui. Oui, donc on continue le débat, s'il vous plaît, autour de la science, avec ce que nous a proposé Benjamin. Donc, s'il y a des questions autour de ce qui a été présenté par Benjamin, allez-y. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Oh. Une deuxième, du coup. Oui, comment est-ce que Ératosthène a calculé la distance entre Sienne et... Alexandrie, ça c'est trop marrant. On parlait des approximations avec Galilée qui compte le temps dans sa tête. Ératosthène, il a compté des pas de chameau. Pas lui-même, il a utilisé un spécialiste. Je crois que ça s'appelle un dématiste. Et c'est un spécialiste qui arpente l'espace en comptant les pas de chameau. C'est-à-dire qu'avec toutes ces approximations-là, il s'est quand même retrouvé avec une erreur d'1%. Donc, merveille du raisonnement humain. Voilà, j'avais oublié de dire ça. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur ce qui a été dit ou une question à poser? Oui. Ce que tu as dit là, effectivement, c'est bien vrai. L'homme, dès qu'il peut faire quelque chose, il le fait. Et il est capable, il peut faire le pire, donc il le fait aussi. C'est un des problèmes. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que ça fait pas partie d'une décision démocratique. Donc quand on dit l'homme, dès qu'il peut faire quelque chose, il le fait, je suis d'accord avec toi, c'est la puissance, c'est le droit dans la nature. Mais personne n'est venu nous demander si on avait envie de travailler à la vitesse d'une machine à vapeur. Personne n'est venu nous demander si on voulait ça dans nos plantes. Personne n'est venu nous demander si, etc. Donc c'est peut-être l'homme, mais ce qui me dérange, c'est que, alors que la science, c'est quelque chose qui nous appartient à tous, puisqu'on est tous capables de suivre un raisonnement scientifique, enfin, pour peu qu'on s'en donne les moyens, ça tombe pas du ciel, mais c'est quelque chose qui est en nous, la conscience, le raisonnement, la curiosité, on se fait confisquer ça, donc je suis d'accord avec toi, mais finalement, c'est pas l'homme, c'est trois types qui font ça dans leur coin, et les chercheurs ont une grande responsabilité. Ils ont la tête dans le guidon, ils font des équations, et la vérité, ils ne savent même pas à quoi servent leurs équations. Ils sont dans leur labo de maths, ah, j'ai calculé, série des groupes, machin truc. Et tu sais qu'on fait des bombes avec ça. Ah bon? Depuis quand? Voilà. Donc si la responsabilité des chercheurs qui ont aucune conscience politique, il faut le dire, ils ont la tête dans le guidon, ouais, faut que je publie mon article, mon équation. Et puis, ça combiné à la confiscation, des informations scientifiques, il n'y a qu'à voir, c'est Étienne Quin qui en parle, ils ont découvert il y a un an le boson de Higgs, donc c'est incroyable, c'est une partie de la matière qui donne de la masse à la matière, la masse ne fait pas directement partie de la matière, une découverte incroyable. Ils en ont parlé un jour et demi dans les médias, juste pour dire ils l'ont découvert, c'était en Suisse, merci, à demain. C'est pas possible de diffuser la science. Enfin, la science ne fait pas culture. La science est partout autour de nous, dans les voitures, l'informatique, etc. Mais elle fait pas culture parce que personne, on ne donne à personne les moyens de raisonner et de coller aux découvertes scientifiques en les comprenant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais sinon, je suis d'accord avec vous sur le fait que oui, la puissance et le droit, quoi. Oui, peut-être quelque chose. Enfin, c'est une question et quelque chose à rajouter aussi. Bon, il faut quand même pas oublier aussi que les travaux scientifiques sont financés. Donc, il y a aussi l'aspect du financement qui va non seulement demander aux scientifiques de travailler sur un certain, enfin dans une certaine direction, et aussi c'est les financements qui vont dépendre de quelle façon seront utilisées les recherches scientifiques. Donc, c'est pas seulement, non seulement la demande des recherches n'est pas faite par le grand public, et ensuite elle est orientée d'une certaine façon quand même. Oui, ça avait l'air un petit peu hypocrite de ma part de citer que le cas du mathématicien, parce qu'ils ont vraiment un truc tête dans les étoiles, mais effectivement, plus on part dans les sciences appliquées, donc dans l'ingénierie, enfin désolé s'il y a des ingénieurs, mais c'est vraiment des gros vendus, les mecs, ils savent ce qu'ils font. La biochimie, c'est pareil, donc oui, n'abandonnant. Oui, effectivement... Il y a une déresponsabilisation du chercheur en mathématiques, mais oui, il y a un manque d'éthique, voilà. Il y a un manque d'éthique du chercheur qui aujourd'hui sait qu'il est financé par tel laboratoire pour faire dire oui à une expérimentation ou dire non. Ils savent qu'il manque clairement d'éthique professionnelle, scientifique, et oui, il y a un manque d'éthique dans le milieu scientifique financé, comme tu dis. Ils ne peuvent pas ignorer ce qu'ils sont en train de faire et par qui ils sont payés. Oui, je suis d'accord avec toi. Je veux pas monopoliser la parole, donc n'hésitez pas, mais il y a un manque d'éthique, d'accord, mais c'est aussi le système des financements qui fait qu'ils dépendent aussi de ceux qui les payent pour pouvoir continuer de chercher. Donc, très franchement, c'est compliqué pour un scientifique d'avoir le matériel pour poursuivre ses recherches sans répondre à la demande d'un lobby, sans répondre à une entreprise, c'est-à-dire pour qu'il puisse travailler tout seul de son côté et qu'il ait le matériel, parce qu'il y a quand même des recherches scientifiques qui coûtent extrêmement cher au niveau du matériel. S'il n'est pas financé par quelqu'un, du coup, il peut pas faire ses recherches. Donc, même si éthiquement ça le gêne, il y a un moment, il peut même pas travailler. Bah, il suffit de prendre. Alors, pour répondre à ça, il faut prendre justement l'exemple du CERN, là, le CERN en Suisse. Alors ça, c'est un exemple typique. Il y a du matériel qu'on trouve que dans Star Trek, et le CERN, c'est à but non lucratif et totalement ouvert. C'est-à-dire que les gens qui travaillent là-bas sont financés par les États Et toute l'information qu'on trouve là-bas, elle est totalement ouverte. C'est-à-dire que si vous êtes informaticien et que vous cherchez un morceau de code cool pour envoyer une fusée dans la Lune, vous pouvez partir là-bas et dire « voilà, je voudrais un morceau du code ». Le code, il est ouvert. Tout est ouvert. Donc, avec ce que tu dis, hein, est exact. Hein. C'est pas pour balayer ce que tu viens de dire, mais c'était simplement pour trouver un modèle existant de collaboration scientifique qui est au plus haut niveau du développement technologique et qui pourtant est une authentique association de gens qui veulent savoir, partager, à but non lucratif, etc., etc. Voilà. Mais pour dire un exemple qui pondère un peu, mais sinon, c'est vrai que majoritairement, pour manger, il faut aller faire le petit chien-chien de GSK ou de je sais pas quel labo de merde. C'était mon gros mot de là. Hein, c'était clair hein, sur le CERN. Hein, ça représente une possibilité de chercher en groupe de manière collaborative, ouverte, gratuite. Je suis désolée, j'interromps juste une minute le débat pour laisser une personne faire un petit communiqué important. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a un ami à moi et d'autres personnes qui ont été interpellées à la Défense suite à une action pour couper l'Assemblée Générale de Bolloré. Donc voilà, je suis à la recherche d'images parce que ça a été le filmé pour porter plainte pour violence policière. Voilà. Peut-être laissez-nous votre contact et puis vous en avez pas. Bah alors en tout cas voilà, allez là et puis s'il y a des personnes qui sont au courant de quelque chose, même dans l'avenir, vous pouvez toujours écrire à EducPop. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Je voulais rebondir concernant le CERN. Donc la dame ici présente, je connais pas votre nom, bon. Vous précisiez qu'effectivement le matériel coûte cher, d'autant plus quand les recherches deviennent un petit peu complexes. Et je voulais rebondir, tout est ouvert au CERN. Non, le CERN n'est pas ouvert. Si moi, par exemple, je me décrète mathématicien, je ne vais pas au CERN. Je ne fais pas des expériences au CERN. Tout le monde ne fait pas des expériences au CERN. Et justement, ça rejoint exactement ce que vous disiez. Non, le matériel, on ne le donne pas à tout le monde. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le CERN n'est pas ouvert. Le CERN est ouvert, genre le mec. Je sais pas. Non, mais. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas ouvert? Alors, je me répète, c'est très simple. La personne ici présente parlait du matériel qui coûte cher. Et si vous voulez accéder au matériel du CERN, vous n'y avez pas accès, à moins d'être un mathématicien, à moins d'être coopté, etc., etc. Et en ce sens, non, le CERN n'est pas ouvert. Maintenant, les technologies, je veux dire, logicielles, effectivement, en général, elles sont open source. Non, mais t'as tout à fait raison. Du coup, j'enjolivais un petit peu la chose, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est la possibilité d'une recherche scientifique quasi transparente qui pub... Bon, ok, j'abandonne l'histoire du CERN, c'est toi qui as raison. Mais disons que c'était le modèle le moins pourri que j'ai pu trouver, voilà. Mais en effet, ils te laisseront pas toucher l'émetteur de positrons, quoi. Voilà. C'est pas très convaincant, mais... Je suis d'accord avec toi. Soyons très clairs, je crois que le protocole HTTP, a été fait par un des mecs du CERN. Enfin, c'est bien connu qu'en général, le CERN... Enfin, je crois d'ailleurs que c'est les premiers, si vous voulez, qui ont justement, pour partager leurs données entre eux, mis en place ce protocole. Donc... Je suis pas contre le fait que le CERN, effectivement, et ce qui est intéressant dans le CERN, pour aller un peu dans votre sens et pas être complètement bloquant, c'est que le CERN, c'est une organisation qui est financée par qui, justement, par des États. Je pense aussi des entreprises, mais par des États. Peut-être que, si vous voulez, l'avenir de la paix, justement, mondiale, c'est de se fédérer autour de sujets comme ça. Il n'y a pas que l'écologie pour se fédérer, on va dire, mondialement parlant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une sorte de projet collaboratif, mais en effet, avec tous les vices que ça. Et oui, juste pour donner un ordre d'idée, le CERN, c'est Internet. Je crois que tous les jours, il y a 10% de toutes les communications Internet mondiales, 10% de tout ce qui se passe sur Internet, qui en fait sont les communications du CERN. Ils représentent 10% de toute l'activité Internet mondiale. Donc oui, c'est eux Internet, c'est eux la communication des données. Mais enfin, ça a des limites, comme tu le soulignais. Je suis d'accord avec toi. J'en profite, hein, je suis passé plusieurs fois, en général je parle pas, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc j'en profite, mais il y en a un peu plus, je vais pas me retourner. Mais moi je crois que quand on parle, quand on parle de, effectivement, quand on parle de mathématiques, quand on parle de physique ou ce genre de choses, si vous voulez, il ne faut jamais oublier que derrière, ce sont des données. Après tout, les mathématiques ne sont qu'une vue d'esprit. C'est une construction extrêmement ancienne qui s'appuie d'ailleurs sur la philosophie, la spiritualité, etc. Les données. Moi, je regrette en fait que ici, enfin, petit message personnel à tous ceux qui sont là, on parle pas mal de démocratie, de ce genre de choses, de banques, de machin, bon, on est contre la loi El Khomri et compagnie. Je regrette qu'on ne se pose pas la question du fait de comment on s'approprie les données. Parce que je crois que ceux qui ont le pouvoir ont les données. Et si vous avez les données, vous avez le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un enjeu mondial que, notamment par exemple pour la médecine, parce qu'on parle des mathématiques, donc la médecine, si vous voulez, c'est, comment dire, c'est pas l'une des branches, mais l'une des feuilles. Enfin, la médecine bénéficie des mathématiques. Voilà. Et si vous voulez, actuellement, globalement, les données, quand un laboratoire veut faire des tests, par exemple, il demande à l'État, bon, c'est des choses justement qui ne sont pas transparentes. On peut imaginer, parce que tout n'est pas tout noir ni tout blanc, qu'il y ait des laboratoires qui existent déjà actuellement et certains qui se créeront demain, qui sont des bons laboratoires, lesquels, cela ne me dérange pas du tout de leur donner, pas toutes mes données, mais une énorme partie de mes données. Et justement, c'est en ce sens que vous êtes propriétaire de ces données, et ces données-là vont permettre à ces gens-là de mettre des solutions, et compagnie, et donc d'induire, à mon avis, une économie qui est différente. Bref, le pouvoir aux données. Oui. Ah oui. Et pour rebondir sur ce que dit monsieur, sur la réappropriation des données, c'était mon but en fait. Vous savez, moi j'ai fait Terminal L, tout ça. Je suis tombé sur les mathématiques il y a quelques années par hasard, on va dire. Et pourquoi je fais cette prise de parole, c'était parce que justement j'ai eu plaisir à me réapproprier des résultats et à me sentir acteur de ma connaissance. Et par rapport à ce qu'il dit, c'est exactement ça. Ça produit, ça aiguise l'esprit critique. Et puis pour utiliser un proverbe, parce qu'il faut toujours un proverbe con dans une prise de parole, ce sera le mien. Le savoir est une arme, et c'est vraiment ça l'idée, quoi. Maintenant tu sais. Allez-y. Bon. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me fait peur, et c'est un prolongement de ce dont on parlait, vous parliez du fait, bon, alors, monsieur parlait des brevets, vous parliez du fait que certains labos financent, etc., et se réservent donc les résultats de la recherche, parce qu'indirectement, c'est ça. Parce que les brevets, on va dire que c'est vous laisser l'opportunité de savoir ce qu'on peut faire, ça reste quand même public, mais il faut payer pour l'utiliser. Enfin, bon, c'est pas le fait. Et ensuite, des fois, il y a de la recherche qui est cachée. Moi, je ne suis pas théorie du complot ou quoi que ce soit, mais encore une fois, ce qui me fait le plus peur, voilà, c'est ça, c'est que des personnes, comme l'a dit la dame, c'est-à-dire que parfois, vous atteignez un certain degré, soit de savoir, soit de vous concevez vous-même des modèles, et que pour pouvoir mettre en application, tester, pour pouvoir, à titre personnel, continuer cette espèce de... cette espèce de logique interne, vous voyez ce que je veux dire, qui n'est pas encore sortie, qui n'est pas encore expliquée. Vous ne pouvez soit vous arrêter, et c'est, vous savez, un chercheur ou enfin quelqu'un qui cogite un petit peu, arrêter de penser, c'est d'une certaine manière une mort intérieure, quoi. Voilà. Et parfois, il y a des choses, on tient le bon bout, mais tant qu'on n'a pas fini, en fait, on n'a rien, parce qu'on ne peut pas l'expliquer, parce que ça ne donnera rien, enfin, tout simplement. Donc moi, ce qui fait le plus peur, justement, c'est qu'il y a énormément de personnes comme ça. Et c'est pas forcément... Bon, il y a une différence entre quelqu'un qui est diplômé et quelqu'un... Enfin, il y a des gens qui sont des mathématiciens et pas forcément diplômés, hein, faut le noter. Et moi, ce qui me fait peur, voilà, c'est ça. C'est que ces gens-là, soit vont crever parce qu'ils n'auront pas... Ils ne pourront pas continuer à penser. Bon, ça peut paraître extrêmement abstrait, mais voilà. Ou soit parce qu'ils seront récupérés, justement, par certaines personnes. Et vous savez, c'est toujours la même chose. On ne dit pas à quelqu'un, t'inquiète pas, je te paye, c'est génial ce que tu fais, on va enculer, pardonnez-moi. On va faire du mal à tout le monde avec tes recherches. Hein, ça se dit pas. D'ailleurs, en général, on ne connaît pas forcément l'aboutissement, mais je peux imaginer que certains qui financent aient des arrière-pensées dont ils ne parlent même pas, si vous voulez, aux chercheurs. Donc, il y a des chercheurs qui sont au courant de ce qu'ils font, et potentiellement, ça peut être mal, certes, mais il y a énormément de personnes qui n'en ont pas forcément conscience. Pardon. Voilà. Voilà, exactement. Donc moi, c'est ce qui me fait peur. C'est soit laisser mourir des gens exceptionnels, et des gens exceptionnels, vous allez me dire, on est tous exceptionnels. Certes, mais il y a des personnes qui, c'est comme des petites étoiles filantes, et il n'y en a pas souvent, voilà, et ils sont un petit peu partout, voilà. Donc ceux-là, on ne sait pas où ils sont, ceux-là, ils pourront pas continuer parce que voilà. Et il y en a d'autres justement, ils vont être hameçonnés. C'est très bien ce qu'ils font, c'est normal qu'ils soient financés, mais ils seront peut-être pas financés par les bonnes personnes et seront pas au final. Je veux dire, prenons l'exemple d'Einstein. C'est le premier, je pense, qui, si vous voulez, Einstein n'avait jamais voulu, par exemple, qu'on fasse l'autopsie de son corps, encore moins son cerveau. Bon, dès qu'il est mort, c'est ce qu'on a fait. Enfin, juste, je parle même pas de la bombe atomique ou. Ouais. Non, mais excuse-moi. Il faut en plus sur la bombe atomique, c'est ridicule parce qu'il y a toute une histoire de ça. Vous pouvez trouver ça dans la biographie de Oppenheimer ou même d'Einstein. C'est-à-dire qu'une fois que les scientifiques se sont aperçus du côté américain qu'ils avaient construit la bombe, ils pensaient qu'ils avaient raison parce que les Allemands, tout ça, ils se sont aperçus que les Allemands n'avaient pas la bombe, que la guerre était terminée et qu'ils avaient créé un monstre. Et ils ont commencé à faire des choses d'enfants. Ah, mais non, c'est horrible, mais qu'est-ce qu'on a créé? Et c'est vrai que ça paraît puéril comme comportement, et on se dit, où est-ce qu'ils avaient la tête lorsqu'ils ont créé la bombe? Donc oui, cette déconnexion, cet aspect un peu irresponsable, faut le critiquer. Mais pour répondre à ce que tu dis sur les étoiles filantes qui ne doivent pas mourir, justement, je sors un peu ça comme un joker, mais je pense que la consultation démocratique sur la direction de l'investissement dans la recherche, ça irait plutôt dans le sens de favoriser des gens comme ça. En gros, si on posait la question à des gens, veux-tu qu'un tel continue à découvrir des choses magnifiques sur les nombres, ou bien préfères-tu qu'il travaille pour Monsanto, un nouveau pesticide qui coûte moins cher à produire et tatata, je pense que les gens se tourneraient naturellement vers le soutien de recherche authentiquement tournée vers la réflexion, le progrès, ces choses-là. C'est pour ça que c'est la place de la question démocratique dans l'orientation de recherche qui, selon moi, est importante, puisque ça éviterait que ces étoiles filantes soient amenées à vendre leurs services aux plus offrants et ce genre de choses, et qui leur garantirait par ailleurs, t'as cité le cas de mathématiciens amateurs, et qui leur garantirait par ailleurs la possibilité de continuer de pouvoir vivre des mathématiques et de diffuser, parce que les mathématiques, c'est important pour tout le monde. Donc voilà, c'était pour ça la démocratisation des savoirs et des pratiques scientifiques, c'était censé, dans mon idée, répondre au problème que tu viens de soulever. Voilà. Bon, c'est un peu un joker, mais enfin, on peut penser que ce soit une solution, quoi. Oui, il y a quand même, parce que vous parliez de la médecine tout à l'heure, en France, quelque chose qui existe, qui s'appelle les centres hospitalo-universitaires, qui sont censés fonctionner comme ça. C'est-à-dire que, du coup, le financement est par l'État, les personnes font leurs études là-dedans et contribuent directement à la recherche. Bon, sauf qu'il y a quand même deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que c'est quand même extrêmement fermé au public. Enfin, au public tout venant, il y a pas d'interface avec le public. Et le deuxième problème, c'est, on a vu une intervention ici sur les labos pharmaceutiques, et en fait, juste avec l'exemple de ce qui s'est passé pour l'hépatite C, c'est-à-dire que finalement, le médecin qui a déposé le brevet par rapport au médicament, enfin, avec, je refais l'histoire, le médecin qui a trouvé le médicament, en fait, il a fait toutes ses recherches dans un centre hospitalo-universitaire, et une fois qu'il l'a trouvé, il a pris contact avec un labo qui l'a payé pour du coup le mettre en fabrication. Donc là par contre c'est vraiment très clairement l'éthique du médecin qui est en jeu, hein, c'est pas l'éthique du système dans ce cas-là. Mais là, enfin, ça pose aussi des questions de réglementation du coup par rapport aux recherches qui sont effectuées dans les centres hospitalo-universitaires. Et ma question du coup c'était, est-ce qu'il existe en mathématiques ou dans d'autres domaines scientifiques quelque chose qui serait un peu équivalent aux centres hospitalo-universitaires ou pas du tout? Pas vraiment, non. J'avais en tête il y a les universités en elles-mêmes, bon. Mais non, j'avais en tête plutôt le CERN pour ça, mais pas vraiment. Et pour répondre à ce que tu dis, peut-être encore une fois, hein, c'est pour répéter l'aspect de ma prise de parole, c'est pour revenir. Selon moi, c'est la consultation de comités populaires qui permettrait de produire la régulation dont tu parles. Et pour qu'il y ait consultation des comités populaires, il faut qu'il y ait une pratique scientifique minimale. Il n'y a pas besoin de tout connaître sur l'atome, sur je sais pas quelle théorie des graphes. Il n'y a pas besoin de ça pour comprendre les grandes lignes d'une théorie scientifique ou mathématique. Il faut simplement connaître 2-3 bases pour pouvoir penser et discuter en groupe. Et c'est pour ça que j'invite les gens à pratiquer. Parce que pour moi, c'est un rempart à la confiscation par des gens, des experts qui vont dire rien, c'est compliqué, l'économie, machin. Et ça, c'est vraiment des conneries. Oui, c'est compliqué, mais pour peu qu'on s'y intéresse un peu, je pense qu'on comprendrait largement assez pour dire ça, c'est la catastrophe, et ça, c'est plutôt bénéfique au plus grand nombre. Voilà. Pour les comités populaires de contrôle et de réglementation. Oui, je voudrais juste mettre un petit bémol à ce qu'il vient de dire. à savoir que si on veut discuter d'une théorie scientifique, il va falloir écouter des scientifiques qui nous l'expliquent. Et comme en général, ils en savent plus que nous sur la théorie, ils vont avancer dans le sens qui leur convient. Et s'ils ne sont pas d'accord entre eux, on aura 2, 3, 4 points de vue et on ne sera pas en mesure, parce qu'on n'aura pas les compétences, de dire quelle est la bonne formule. Et donc, à un moment donné, moi, ce que je vois arriver aujourd'hui, et nous le voyons bien, nos gouvernants, nos politiques, dans le monde entier, hormis deux ou trois grandes lignes idéologiques, obéissent pratiquement, volontairement ou involontairement, aux dictats des scientifiques et des gens qui ont les compétences, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu géré par la science, par le savoir, par la compétence, et que nous n'avons pas les moyens de discuter. Comment voulez-vous aller discuter avec un chercheur du CHU? Hein, comment allez-vous discuter avec lui de médecine? Vous ne discutez pas de médecine avec un médecin. S'il vous dit vous avez un cancer, eh ben vous lui dites ah bon, comment vous le savez? Et puis s'il vous explique comment il le sait, ça ne changera pas grand chose. Il y a un moment, il y a une limite au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Et ce que j'aurais voulu entendre ici, c'était ce que nous voulons, c'est qu'il y ait la possibilité d'avoir un système de fonctionnement dans la société qui nous mette à l'abri, non pas des sciences, mais des abus, c'est-à-dire retrouver la conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, je ne l'ai pas inventé, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais conscience de quoi? Celui qui l'a dit, quand il pensait conscience, il pensait à Dieu. Ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, dans notre société, Dieu, il est souvent, non, c'était pas Pascal, ça a été dit bien avant lui, par un monsieur qui s'appelait Rabelais et qui avait écrit en haut de l'entrée de son université à lui, fais ce que veut. C'est quelque chose qui est très ancien, la peur de la science, la peur des méfaits de la science, mais nous voyons bien aussi qu'elle produit de bonnes choses, excusez-moi, mais tout de même, ne serait-ce que parce que je peux vous parler avec un micro grâce aux règles de l'électromagnétique, vous voyez, parce que sinon il faudrait gueuler comme un veau pour arriver à se faire entendre. Comment mettre sous contrôle la science? Ben, je vais vous dire ce que j'en pense profondément, c'est juste impossible. Parce qu'à un moment donné, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et nous avons eu les maîtres des machines, et nous avons aujourd'hui les maîtres de la science. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver à contrarier ces choses. Nous en subissons les conséquences, nous en voyons les effets. Comment la contrôler? Franchement, dire que les États doivent gérer, comme le CERN par exemple, financer la recherche fondamentale et la recherche appliquée pour éviter les problèmes, mais si les États font ça, ils le feront en fonction de leurs intérêts propres d'État, et c'est les dirigeants qui tiendront encore le manche et qui feront fonctionner les systèmes. Moi, je crois que la science, il faut se mettre à l'idée que c'est quelque chose qui est très utile et en même temps très néfaste. Il y a les deux faces, c'est un Janus, la science, et on ne la changera pas. En tout cas, je ne pense pas que ce soit faisable aujourd'hui. Je voudrais quand même faire un petit appel pour dire à ceux qui le peuvent d'aller sur Internet et de rechercher ce qu'on appelle les MOOC, M-O-O-C. Ce sont des leçons, des cours par Internet qui s'adressent au grand public, qui sont entièrement gratuits, qui sont interactifs. On peut répondre à des questions, il y a des questionnements, etc. Et on peut ainsi apprendre beaucoup de choses sans être dans un cours scolaire ou scolarisé dans un dispositif. Et je pense que ça va dans le sens de ce que disait le monsieur. On apprend, on comprend. On apprend, on comprend. Moi, croire qu'on va comprendre sans avoir appris, je ne le pense pas. Je voudrais quand même préciser que la France est le premier pays en matière de mathématiques et celle qui a obtenu le plus de médailles Fields dans le monde entier. Juste pour éclairer le problème des mathématiciens. Excusez-moi, je suis obligé de faire une toute petite, non pas rectification, mais un ajout. J'ai jamais voulu laisser entendre que les connaissances scientifiques allaient vous tomber dessus. Ce qui est intéressant avec les mathématiques, c'est qu'il n'y a pas de voie royale. On peut pas prendre quelqu'un et lui dire « Tiens, je vais te faire rentrer les maths dans ta tête ». On est obligé soi-même de passer par le raisonnement, les échecs et les erreurs pour s'approprier les contenus. Et du coup, je laissais pas entendre que ça va nous tomber sur un coin de la tête. Ça va faire partie d'un véritable effort quotidien. Et oui, c'est exactement ça. La réglementation, elle vient parce que nous, on se sera réapproprié en apprenant nous-mêmes, en devenant plus éclairés sur le sujet. Voilà, ça nous tombera pas dessus. Hein. C'est pas en lisant un livre qu'on va tout comprendre. C'est une pratique, quoi, comme le sport ou le sport. On slip, c'est bien. On slip, c'est pas mal. Oui, alors, concernant en fait, il n'y a pas qu'en médecine, enfin les CHU, etc. Dans les universités, il y a des laboratoires de recherche en mathématiques, en informatique et compagnie. Disons que, pour reprendre encore le CERN, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certains outils qui sont extrêmement coûteux à mettre en place et qui nécessitent simplement vraiment qu'il y ait plusieurs pays, point barre. Ensuite, concernant le fait de contrôler la science, je pense qu'un scientifique, en plus, qui peut contrôler la science, c'est pas comme ça que je le verrais. Je verrais plutôt, je rejoins encore madame sur le fait, quelle est la relation entre des scientifiques publics, hein, issus justement de leurs études, parce que naturellement on étudie, puis à un moment donné on a peut-être envie d'aller chercher un petit peu plus loin. Oui, parce que quelqu'un qui fait une thèse, en fait, en général, le fait parce qu'il pense à certaines choses, enfin, souvent ça arrive. Et donc le problème, c'est la relation justement entre ces gens-là et entre, on va dire, tout ce qui est privé. Que des, comment dire, entreprises privées conçoivent des médicaments, les distribuent et compagnie, moi, ça ne me dérange pas. Mais effectivement, le problème, c'est quand il y a un déséquilibre, peut-être. Donc on est juste vraiment dans comment on fait circuler les données, la science, enfin, le savoir, comment on fait circuler l'argent et comment, au travers de ces deux trucs-là, il y a des gens qui sont jeunes étudiants, qui progressent, il y en a d'autres qui sont amateurs, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt, le problème, il est plutôt là. Parce que, encore une fois, si quelqu'un devait, et c'est ce que le monsieur actuellement et depuis presque 200 ou 300 ans, enfin, globalement, je pense même qu'à l'époque des rois, c'était comme ça, vous avez donc des scientifiques, vous avez des jeunes scientifiques qui viennent avec des idées, qui les soumettent aux vieux scientifiques. Il cherche de l'argent, voilà. Le vieux scientifique va... Bon, alors des fois, il y a de la concurrence, de la rivalité. Non, non, toi, je t'aime pas, je préfère mon petit... protégé. Et il demande au roi, enfin, ou au président, ou indirectement aux députés, etc., de l'argent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà, en fait, si vous voulez, un certain contrôle. Et ça se passe de la manière suivante, c'est que ce sont effectivement des scientifiques qui vont déjà voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on finance, et ensuite qui vont traduire ça justement aux acteurs publics, quoi, aux décideurs. Voilà, exactement. Mais tout ça pour vous dire que la critique que vous faisiez, en fait, moi je la trouve fausse, dans le sens où ce dont vous parliez existe déjà. Voilà. Le problème en soi-même, c'est pas de mettre ça en place, ça existe. Le problème, c'est juste que ça fonctionne pas. Voilà. Et là, on rentre dans quelque chose d'épineux. C'est justement comment restructurer quelque chose qui existe. Ça, c'est... Voilà. Ouais. Non, mais comment peut-on être à la fois député, par exemple, hein, par exemple, et docteur en mathématiques? Je veux dire, capable de décider que dans la recherche médicale, il va falloir opter pour telle direction, décider de faire de la vaccination obligatoire pour telle maladie, etc. Tout en étant député, élu, parce qu'on est allé dans une circonscription et on a promis aux gens qu'ils allaient avoir la lune. Après, si on arrive à leur enfiler un petit croissant, ce sera déjà pas mal. C'est ça le problème, c'est la dichotomie complète. Il y a d'un côté les gens qui maintenant arrivent à un niveau de compétence scientifique tel que ils ne sont même plus en mesure d'expliquer à monsieur tout le monde, et un député c'est monsieur tout le monde, de lui expliquer pourquoi il voit les choses de cette façon. Lui il le sait, mais le discours qui le conduit jusque-là est tellement complexe et fait appel à tellement de connaissances en arrière que ça devient pratiquement impossible d'expliquer les choses. Voilà. Et oui, mais moi je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est-à-dire que pour comprendre par exemple les fondements de la relativité d'Einstein, il n'y a pas besoin de tout savoir sur le sujet. Il faut simplement comprendre deux, trois expériences clés qui se représentent avec des petits schémas, des triangles, le théorème de Pythagore. Pour se renseigner là-dessus, je prends en référence sur Étienne Klein qui milite pour que la relativité soit connue. Ça a l'air d'être... voilà. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour faire ça. C'est justement, c'est ça qui fait peur aux gens et qui... Il y a tellement de connaissances. C'est faux. Ça, je dis... Non, mais bien sûr qu'on en est là. Bien sûr qu'on en est là. Moi, en tout cas, je suis complètement en désaccord avec vous. Effectivement, on ne pourra pas arriver au niveau de connaissance d'un spécialiste. Il faut savoir que quand vous faites une conférence de mathématiques, celui qui vient parler de son sujet, les autres mathématiciens n'y comprennent rien. Ils ne prennent pas la parole puisqu'ils n'ont pas cherché comme lui pendant 2 ans tel truc spécifique. Donc les autres mathématiciens sont là. Oh oui, sûrement, ça doit être ça. Donc déjà, chez les mathématiciens, il y a ce problème. Donc ça, c'est un faux problème. L'important, c'est simplement de connaître certaines choses essentielles qui permettent de faire des décisions plus ou moins éclairées. Après, je prétends pas que tout le monde va devenir docteur en mathématiques. C'est juste une certaine fréquentation des pratiques scientifiques qui, selon moi, nous immuniserait contre les plus grosses catastrophes et cette autonomisation de la science, cette science qui résonne sans que personne lui ait demandé de raisonner, personne dans le peuple, je veux dire. Donc voilà, ça c'est une menace. C'est une menace. Et chacun qui s'intéresse aux sciences verra qu'il va se rapprocher des sciences beaucoup plus vite qu'il ne l'avait prévu. Voilà ce que je dis. Oui, bonjour. Voilà, je voulais juste... Non, mais peut-être que monsieur va finir, non ? Ok. Oui, juste deux interventions. Moi, je suis assez d'accord avec monsieur. Par exemple, je m'intéresse beaucoup à la physique quantique et le formalisme mathématique quantique. Je n'y comprends rien. Très franchement, je n'y comprends rien. Et même si je suis capable de suivre des conférences de vulgarisation, je suis incapable de remettre en cause la validité du formalisme mathématique. Donc, par exemple, moi, je suis assez là-dessus, je suis assez d'accord avec monsieur. Je suis capable de comprendre grosso modo, les théories de la physique, les idées de la physique quantique, mais je suis incapable d'avoir un regard critique. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, d'être capable d'avoir un regard critique sur la science. Après, j'aimerais aussi, enfin, je sais pas si on en a parlé de ça, mais j'ai l'impression qu'on fait un peu comme si la science était quelque chose de neutre. Et que quand on a une théorie scientifique, eh ben, on choisit, du fond de son cœur, on choisit si on va faire des choses bien avec ça, ou si on va faire des choses mal. Et on fait comme si la théorie scientifique c'était neutre, et comme si la science ne construisait pas notre rapport au monde. Comme si la science, elle n'avait pas besoin de construire un rapport mathématisé au monde. Elle n'avait pas besoin de découper le monde, de découper le monde en petites choses indépendantes, alors qu'en fait, le monde c'est une chose qui est une et globale. Et pour se développer, la science, elle a besoin de construire cette idéologie, et cette idéologie, on l'a assimilée. Et chacun découpe le monde en petites choses, on est tous des individus qui se pensons indépendants des autres. Et je trouve que dans cette réflexion sur la science, on n'avance pas l'idéologie qui est sous-jacente, et qui, je pense en plus, est sous-jacente au capitalisme, est sous-jacente au mal-être social. Et je j'accuse pas la science, hein, la science c'est très bien, mais voilà, je pense que la science, elle est née de quelque chose qui a aussi fait naître le capitalisme, qui a fait naître aussi les problèmes qu'on rencontre, et on doit s'interroger sur, voilà, sur cette idéologie sous-jacente à la science, et c'est pas quelque chose de neutre, voilà, c'est mon idée. Je vous laisse la parole après, mais j'avais une question depuis quelques temps. Enfin, pas une question, mais une remarque, justement, par rapport à la notion, enfin, ce dont on parle du partage et du savoir et de la pensée. Moi, je pense que justement, enfin, un des outils qui est né et qui est très utile pour ça, c'est quand même Internet. Je dis pas qu'il ne sert qu'à ça, mais il peut servir ça. Et quel que soit le domaine, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on s'intéresse à quelque chose et qu'on essaye de le travailler, les outils qui nous permettent de travailler notre pensée et nos connaissances et d'acquérir des savoirs, ils existent, ils sont partout. Et ce qui compte, c'est de faire le pas, en fait, et le choix de s'approprier ces savoirs. Je prends un autre exemple que la science, l'exemple de l'informatique. L'informatique, c'est très, très, très complexe pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et pour quelqu'un qui s'y connaît très bien, parce qu'il l'a travaillé depuis longtemps, c'est quelque chose de simple. Mais au-delà de l'université, il y a plein de gens, mais plein, quoi, qui maintenant, notamment, sont des grands savants dans le domaine informatique, qui sont formés tout seuls. C'est-à-dire, t'en as plein. Si on prend l'exemple des hackers, les gens, la majorité des hackers, ils sont formés comment ? Ils se sont pas formés en faisant un BTS informatique ou voilà, il y en a un, mais ils se sont formés à partir d'assez jeunes souvent, en allant tout simplement sur Internet, chercher les trucs, fouiller, s'intéresser, tester des choses, ne pas réussir et enchaîner, et voilà, et ils ont acquis un savoir comme ça. Mais un savoir qui peut s'arrêter à un certain niveau jusqu'à monter, voilà. Et donc pour moi, la question, c'est pas forcément de savoir d'avoir les réponses à tout, machin, dans un domaine. C'est simplement déguiser ses connaissances et déguiser, du coup, ça va avec son esprit critique et sa capacité à en discuter, à penser, à essayer des choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on fait avec Internet, ce qu'on fait ici. Partager nos savoirs sans que quelqu'un qui arrive dit « moi je sais tout et je vais vous apprendre », on se rend bien compte que même si on n'a pas des connaissances aiguisées dans un domaine, on peut tout à fait le penser et en discuter ensemble et apporter en fait des petites pièces de savoir à cette grande discussion. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place depuis maintenant plusieurs années, plus de 10 ans, 20 ans, voire 20 ans. Et je pense que on voit que c'est quelque chose en plus, quand tu disais le savoir, c'est le pouvoir, quoi. Et on voit que c'est un danger parce que les gens aujourd'hui, par exemple, rien qu'au niveau des manifestations de travail, la première attaque qui était portée et qui est toujours portée, c'est « mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent ». Et bien si, justement, on sait de quoi on parle, et ça, c'est effrayant pour eux. Et justement, je pense qu'on est vraiment en train de se réapproprier des savoirs, et ça fait flipper les gens. les gens et les gens au pouvoir, justement. Oui, sur les informaticiens amateurs, oui, il y a une vraie tradition. Et comme les mathématiciens amateurs, pour la bonne et simple raison que contrairement à la physique, on peut faire ça dans sa chambre. Et pour la programmation, on n'a pas vraiment besoin d'ordinateur, en fait. On peut programmer avec une feuille et un crayon. L'ordinateur, ça sert juste à la fin pour... Si, créer l'algorithme. Ah ben si, pour la pensée. Oui, extrêmement pratique, mais ça permet un certain niveau d'amateurisme. J'exagère, oui, t'as raison. Mais donc, c'est exactement dans ce sens-là que je voulais aller, ouais. Une pratique de chacun qui permet, je pense, un changement réel. Enfin, vous allez devenir fort, en fait, si vous y mettez. Faites-moi confiance. Oui, merci. Bon, bah... Ok. Oui. Je voudrais pas casser l'ambiance, hein. Et surtout, je suis pas contre la science. J'ai été ingénieur dans une autre vie et physicien, hein. Bon, c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler. Vous savez peut-être que c'est aujourd'hui ou hier, il y a eu un accord qui a été signé entre les États-Unis et l'Union européenne sur la transmission des données. Voilà. Et l'aspect, oui. Oui. L'aspect des données et l'aspect des... Ben, bon, je réponds après ça, d'accord? Ok. L'aspect des données, c'est un des éléments qui est devenu les plus importants, non pas tellement du point de vue scientifique, mais du point de vue fric. Parce qu'actuellement, le débat le plus important au niveau international et celui qui se bagarre le plus, c'est celui de la protection précisément de la protection du savoir. Et c'est pas par hasard, et je vais être très court parce que je crois qu'il y a de quoi de réfléchir après là-dessus, hein, Google actuellement qui s'occupe de transhumanisme. Eh ben, je crois que ça doit nous faire réfléchir à ça. La science, j'entends dire partout là, elle nous conduit, je sais pas où, etc. Non, la science, elle est utilisée actuellement, et on l'utilise pour nous conduire à des endroits où on n'a pas envie d'aller. Ouais. Et justement, personne n'a été consulté. C'est pour ça que c'est pas normal. Ça nous appartient à tous, en fait. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le danger, exactement. Oui. En conclusion, pardon, monsieur, vous vouliez... Allez-y. Hein. Moi, je crois qu'on scientise tout. Je ne sais pas si le terme scientiser vous dit quelque chose. Pour moi, on est sous le diktat des experts. Alors, les experts sont des gens, moi, je sais, et vous, vous n'y connaissez rien, fermez-la. Voilà, c'est pour éviter ça, justement, exactement. C'est contre ça que je fais cette petite prise de parole. C'est que vous dites, ah, il est mignon, lui, avec ses trois livres, mais faites-moi confiance, il y a vraiment, dans ces trois livres, de quoi comprendre des choses assez essentielles sur les mathématiques et sur la science. Pour peu qu'on s'en donne du mal, hein, c'est qu'il faut lire plusieurs fois, avec un crayon à la main et tout ça. Mais oui, justement, c'est pour éviter le diktat des experts, et pour que l'expertise, elle soit faite de manière démocratique. Voilà. C'est pour répondre à ça. Ce sera aussi ma conclusion. D'où le titre, la classe d'utiliser le titre en conclusion, rendons-nous la science. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin.